Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barrel 1882. La création d'après Darwin. Les trois dogmes du darwinisme. La jeunesse de Darwin, elle comprend trois dogmes. Pourquoi nous ne parlerons que de deux Lucrèce? Procédons maintenant à l'égard de Darwin comme nous l'avons fait à l'égard de Moïse, exposons sa genèse de la création, et soumettons la de mes mots contrôle de la science. Je dis sa genèse de la création. C'est que nous savons déjà qu'il en a imaginé une qui est le contre-pied de celle de Moïse, et que l'on peut ramener aux trois dogmes suivants. Éternité de la matière. Génération spontanée. Transformisme. De ces trois dogmes nous ne traiterons que les deux derniers, le premier échappant à toute démonstration autre que l'application des lois de la logique et du bon sens. Mais ces lois suffisent parfaitement pour prouver que la matière ne saurait avoir existé de toute éternité, car enfin, il n'y a pas d'effet sans cause, or la matière est un effet, puisqu'elle est finie et imparfaite, donc elle doit avoir une cause qui ne saurait être que Dieu, le seul être infini et parfait. D'où nous concluons qu'elle n'est pas éternelle. Quel raisonnement les darwinistes opposent-ils à ce simple syllogisme? Aucun. Ils se contentent d'affirmer que toute matière existe de toute éternité, parce qu'on ne saurait comprendre comment elle aurait eu un commencement. Ils tranchent aussi cavalièrement la question de la fin de la matière, en affirmant de même que la matière ne périra jamais, parce qu'on ne comprend pas comment elle pourrait être anéantie. Éternité d'origine. Éternité de durée. Ainsi se trouve résolu, par une double affirmation dépourvue de toute espèce de preuve, le grave problème de l'infini appliqué à la matière. N'essayons pas de lutter contre des adversaires qui se retranchent toujours derrière le célèbre axiome de Lucrèce, la divinité elle-même n'aurait jamais pu rien tirer du néant. Seulement ils oublient ou ils ignorent que, dans un moment de franchise, Lucrèce lui-même a fait les significatifs aveux que voici. Cependant, si la terre et le ciel n'ont pas eu de commencement, et qu'ils aient existé de toute éternité, pourquoi, avant la guerre de Thèbes et la ruine de Troie, d'autres poètes n'ont-ils pas chanté d'autres exploits? Quoi qu'il en soit, nous laisserons de côté, je le répète, l'éternité de la matière, pour ne nous occuper que de la génération spontanée, et du transformisme. De la génération spontanée. Ce qu'on entend par génération spontanée, toute l'Antiquité a cru, la terre envisagée comme mère commune, Épicure, Plutarque, Aristote, Lucrèce, Ovide, quelques pères de l'Église, thèse des darwinistes. On appelle génération spontanée la production d'un être nouveau sans intervention de parents, et par la seule force de la matière. Toute l'Antiquité a cru, seulement elle n'y voyait qu'une manifestation de la vertu fécondante de la terre, qui était regardée alors, suivant la belle expression de Lucrèce, comme la mère commune et le tombeau commun de toutes choses. Il est de fait que, pour un œil superficiel, tout paraît en venir, et en venir spontanément. Ainsi quand on voit, chaque année, tout renaître avec le printemps, il semble très naturel d'admettre que c'est la terre elle-même qui, par ses seules ressources, fournit à toutes ses existences. Cette impression générale passa de bonne heure dans la philosophie. Épicure est le premier qui lui donna la forme dogmatique, Plutarque renchérit encore sur Épicure, Il n'est pas jusqu'à Aristote qui n'ait commis la même méprise. Comment s'étonner dès lors que les poètes, ces amants du merveilleux, aient accueilli la génération spontanée avec enthousiasme? Lucrèce affirme très sérieusement que, de son temps encore, la terre produisait une foule d'animaux par l'action combinée de la pluie et de la chaude vapeur du soleil. Malheureusement, ajoute-t-il, ce sont de petits animaux, tandis que, dans sa première énergie, la terre avait enfanté les grandes espèces. Du temps d'Ovide, elle ne produisait plus que des rats. On les voit, dit le poète, s'échapper du sol, leur partie antérieure vivant déjà, alors que la postérieure n'est qu'une fange grossière. Il est vrai qu'il raconte des choses bien plus extraordinaires encore à propos de la décomposition de certains animaux. Qui ne connaît l'aventure d'Aristée pleurant la mort de ses abeilles, et le conseil que Protée lui donna d'immoler un taureau pour réparer ses pertes? Le berger obéit, dit le poète. Des entrailles putréfiées de la victime s'élança tout un essaim en bourdonnant. Une seule mort engendra mille vies. Mais restons-en là de ces histoires. Peut-être même n'en aurais-je rien dit, si je n'avais tenu à établir que, dans toutes ces prétendues naissances spontanées, c'est la vie latente que l'on suppose passer à l'état de vie active, et non la matière inerte que l'on dote de la vie elle-même. Ainsi s'explique comment plusieurs pères de l'Église, se plaçant au même point de vue, y ont cru également. Tout autre, au contraire, est la thèse des darwinistes. Pour eux, le Créateur n'est rien et la matière est tout. C'est la matière qui possède en elle, sans l'avoir reçue de personne, sa puissance génératrice, et c'est par ses seules ressources qu'elle donne la vie. Tel est le système qu'il nous faut maintenant réfuter. Commençons tout d'abord par établir qu'il est une loi qui domine toute la genèse des espèces, c'est celle-ci. Le premier être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. Le premier être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. Le premier être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. Pourquoi le premier végétal n'a pu naître spontanément? Conditions atmosphériques d'alors, nécessité d'une semence? Comment les darwinistes expliquent sa formation, les milieux, il en est des animaux comme des plantes, impuissance de la matière à rien créer. Nécessité d'une intervention directrice, prétendue force plastique de la matière, quatre corps simples suffisant à tout, un livre qui se fait tout seul. Je pose donc en loi que le premier être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. Comme preuve et justification de cette loi, il me suffira de rappeler dans quelles conditions la vie, à l'origine des temps, s'est manifestée sur le globe. Les premières espèces vivantes qui ont paru furent les végétaux. D'où venait le premier végétal ? Il ne pouvait être le produit d'une graine, puisque, aucune plante de son espèce n'ayant vécu avant lui, l'hypothèse d'une semblable graine serait une absurdité. Il ne pouvait venir davantage d'un germe préexistant soit dans l'atmosphère, soit dans la terre elle-même, à cause de l'état d'incandescence du globe. C'est ce que confirme pleinement l'expérience que voici. Prenez de la matière organique quelconque et soumettez-la à l'action de la flamme dans un tube de verre, bien avant qu'elle ait même pu approcher de la température qui régnait alors, elle se volatilise et disparaît. Ainsi donc, tant pour les plantes que pour les animaux, les conditions atmosphériques rendaient à cette époque toute existence impossible, car enfin, l'eau et l'air sont nécessaires au développement et à la vie de tout végétal. L'eau, l'air et les végétaux sont nécessaires au développement et à la vie de tout animal. Or, toutes ces choses faisaient défaut. Il n'y avait même pas autant dire d'atmosphère, car on ne saurait appeler atmosphère une immense buée, n'offrant rien de commun avec l'air respirable. Si donc on rejette toute création, on en est réduit à admettre que le premier végétal a été le produit d'une première semence, issue de la matière, laquelle semence a dû de même à la matière son développement ultérieur. C'est précisément ce que soutient l'école darwinienne, et voici comment elle raisonne. La terre s'étant refroidie, la vapeur d'eau qui l'entourait s'est condensée à sa surface de manière à former un milieu favorable. Puis ce milieu, par une force occulte, y a rapproché, réuni, combiné les éléments nécessaires pour constituer un être vivant. Alors, par une succession de changements physico-chimiques, un végétal imparfait d'abord a pu naître et se perfectionner ensuite jusqu'au point où nous le voyons aujourd'hui. Une semblable explication, qui suppose deux choses, la formation de toute pièce d'une première semence, puis son perfectionnement successif, n'a même pas pour elle le mérite de la vraisemblance. Mais enfin prenons-la pour un instant au sérieux. Vous prétendez que la semence s'est produite dès l'instant où les forces physico-chimiques ont été à même d'agir sur la matière placée dans un milieu favorable. Mais d'abord il eût été bon de nous dire en quoi a consisté ce fameux milieu. Or, vous n'en parlez pas. La chose cependant en valait la peine, car il ne s'agit de rien moins ici que d'une merveille. Quoi de plus merveilleux, en effet, que de voir un atome de matière organique arriver on ne sait d'où, croître on ne sait pourquoi, puis devenir on ne sait comment le centre de développement d'un arbre magnifique. Mais ce n'est pas tout, cet arbre va lui-même produire des graines qui deviendront arbres à leur tour, et chaque génération nouvelle apportera ainsi son contingent de semences, de manière à assurer la perpétuité de l'espèce. Sans doute l'intelligence humaine parvient à saisir, dans une certaine mesure, le développement et les attributs des êtres créés, mais l'enchaînement de phénomènes qui les relient et leurs manifestations tout à la fois si compliquées et si simples sont autant d'actes postérieurs à la formation de l'être lui-même. Laissons donc de côté cette prétendue vertu génératrice de la matière, organisant de toutes pièces et animant d'emblée le premier végétal. La chose, je le répète, est tellement impossible, que l'énoncé seul d'une pareille hypothèse équivaut à sa réfutation. Ce que nous venons de dire des plantes s'applique tout aussi bien aux animaux. Il suffit, pour que l'assimilation soit complète, de substituer au mot « graine » le mot « œuf ». Tout animal, en effet, provient d'un œuf, comme tout végétal provient d'une graine. Or, pas plus pour l'œuf que pour la graine la vie n'a pu résulter de la rencontre fortuite et du concours accidentel des forces de la matière. Voyons maintenant quelles conséquences en découlent au point de vue de la thèse que nous combattons. Le premier travail qui a utilisé la matière et ses forces pour en faire un être vivant, n'ayant pas été un travail spontané, a été nécessairement un travail dirigé. Or, toute direction implique une intervention intelligente. Et quelle intelligence n'a-t-il pas fallu pour doter ainsi la matière de la vie, et surtout pour lui donner la faculté de reproduction qu'elle devra posséder indéfiniment dans la longueur des siècles. Nous voilà donc forcément amenés à reconnaître l'intervention directrice d'une intelligence supérieure. J'admire réellement la désinvolture avec laquelle les darwinistes prétendent expliquer la génération spontanée à l'aide d'un mot aussi solennel que creux, la force plastique de la matière. Ils ne savent donc pas quelle somme de difficultés présente la formation du moindre être vivant. Je veux à cet égard leur rappeler quelques principes de chimie élémentaire. Sur environ 65 corps simples qui entrent dans la composition de notre planète, 4 seulement constituent la substance de tout ce qui a vie. Ce sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Ainsi, ce sont ces 4 corps qui, combinés 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, le carbone toujours, représente l'essence de toute matière organique. Problème immense, travail merveilleux dont on ne saurait mieux se faire l'idée qu'en songeant que quelques lettres de l'alphabet suffisent d'eux-mêmes, par l'artifice de leur combinaison, pour former tous les mots, tous les idiomes, tous les dialectes du langage humain. Et vous prétendez qu'il suffit d'abandonner à eux-mêmes les 4 corps simples que je viens de nommer pour qu'ils façonnent à eux seuls, et de toute pièce un être vivant? Autant dire qu'en mettant ensemble une plume, du papier et de l'encre, il en sortira au bout de peu de temps un volume. Hélas, que n'en est-il de la sorte? Cela m'éviterait la peine de composer celui que j'écris actuellement pour vous réfuter. Variation de Darwin et de son école sur la génération spontanée. Darwin nie la génération spontanée, puis il l'admet. Divagation de ses adeptes Buchner, Moleschott, Strauss, Burmeister, Vogt. Remarques judicieuses de Flourens, de Fénelon, d'Agassiz, un langage sensé après des balivernes. Nous venons d'établir, à l'aide d'arguments empruntés à la logique des faits, que nul être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. Tel a été tout d'abord également l'avis de Darwin, témoin ce qu'il écrivait en 1805 dans l'Ethonaeum. Y a-t-il un fait, l'ombre d'un fait autorisant à croire que des éléments inorganisés ont pu, sans quelque être organisé, produire un être vivant, sous l'influence seule des forces connues? Présentement, un tel résultat est inconcevable pour nous. Mais, depuis lors, ses idées et son langage se sont singulièrement modifiés, car voici comment, 10 années plus tard, il s'exprimait dans son livre de l'origine des espèces. Le premier être vivant qui est paru sur notre planète, soit à l'état de cellule, soit à l'état d'œuf, est né de la matière par l'action réciproque et combinée des divers agents physiques et chimiques. Je laisse à d'autres le soin d'expliquer ces variations et ces désaccords, qu'il me suffise de dire que cette dernière opinion de Darwin est devenue la base de son système et le mot d'ordre de son école. Ainsi Buchner et Moleschott appellent « la vertu génératrice de la matière un postulat de la science ». De même Strauss, le fameux Strauss, enseigne, toujours au nom de la science, que l'homme a pu naître spontanément de la terre. C'est ainsi, dit-il, que le ténia se forme spontanément en nous, or, ce n'est pas un petit animal que le ténia, en comparaison de l'homme, puisqu'il parvient à une longueur de 20 pieds et parfois même de 60 aunes. Il n'y a qu'un malheur pour ce rapprochement entre le ver solitaire et nous, rapprochement si flatteur pour notre espèce, c'est que la prétendue naissance spontanée du ténia doit être reléguée, comme le reste, au chapitre des fantaisies. Enfin Vogt a le triste courage d'écrire les divagations que l'on va lire. Il n'est pas douteux que le darwinisme ne congédie le créateur personnel, et ne laisse pas la moindre place à un pareil être dans l'apparition des espèces. J'ai appelé cela divagation, je devrais employer un terme bien plus sévère. Pourquoi donc s'obstiner ainsi, contre toute vraisemblance, à noter la matière de la faculté génératrice ? Burmeister dans son Histoire de la création, si répandue en Allemagne, va nous en donner le motif avec une franchise quelque peu brutale. Ne voulant pas, dit-il, avoir recours au miracle et au mystère, nous sommes obligés, pour expliquer l'apparition sur la terre des premières créatures organisées, de revenir à la vertu génératrice de la matière elle-même. Soit. Seulement je ferai remarquer qu'en refusant d'attribuer à Dieu la création des premiers êtres organisés, on n'échappe ni au miracle ni au mystère, on substitue tout simplement à ceux de la Genèse, qui ont au moins pour eux la logique des faits, les mystères erronés et les miracles impossibles des cosmogonies athées. Mais on va plus loin encore. Ainsi, les mêmes hommes qui acceptent si facilement que la matière inerte puisse s'organiser d'elle-même pour constituer un être vivant, ne repousseront pas seulement toute idée d'une création directe, ils repousseront jusqu'à l'hypothèse que la matière qui a été douée de la vie, mais qui l'a perdue, puisse la recouvrer. Demandez-leur plutôt ce qu'ils pensent de la résurrection de Lazare. Et cependant le fait de la résurrection est bien peu de choses à côté de ces créations de toutes pièces. Comparons les situations. Quand un corps ressuscite, il ne fait en définitive que récupérer le jeu et le fonctionnement de ses ressorts, puisque ses ressorts lui ont survécu. Quand, au contraire, la matière inerte s'organise pour créer un corps, il faut tout d'abord que les ressorts se forment, canaux sanguins, cordons nerveux, os, ligaments, muscles, fibres, etc., tout doit se constituer à l'aide de matériaux bruts et amorphes. C'est seulement quand cette constitution a été obtenue qu'apparaît la vitalité. Dans le premier cas donc, vous n'avez qu'un seul miracle, la restitution de la vie. Dans le second, vous en avez deux, la création des ressorts, puis leur animation par le souffle vital. Et vous admettez, sans sourciller, ces deux derniers miracles, ou plutôt vous vous en faites les parrains, tandis que vous niez énergiquement le premier. C'est bien toujours le mot de Pascal, incrédule, les plus crédules. Quelle absurdité, s'écrie à ce propos Monsieur Flourens, d'imaginer qu'un corps organisé, dont toutes les parties ont entre elles une connexion, une corrélation si admirablement calculée, si savante, puisse être produit par un assemblage aveugle d'éléments physiques. Ce corps organisé aurait puisé la vie dans des éléments qui en étaient dépourvus. On fait venir le mouvement de l'inertie, la sensibilité de l'insensibilité, la vie de la mort. Et on appelle cela du progrès. Fénelon emploie une autre forme d'argument que son apparente bonhomie ne rend que plus piquante. Depuis, dit-il, qu'il y a sur la terre des hommes soigneux de conserver la mémoire des faits, on n'a jamais vu ni lion, ni tigre, ni sanglier, ni ours, se former par hasard dans les antres ou dans les forêts. On ne voit pas non plus de production fortuite de chiens ou de chats. Les bœufs et les moutons ne naissent jamais d'eux-mêmes dans les étables et dans les pâturages. Donnons enfin la parole à Monsieur Agassiz, c'est incontestablement, comme naturaliste et comme penseur, l'un des hommes les plus compétents pour juger la question qui nous occupe. Les physiciens et les chimistes savent parfaitement bien, dit-il, ce que peuvent produire l'électricité, la lumière ou le galvanisme, ils connaissent quelles sont les combinaisons possibles entre des éléments chimiques, et n'ignorent pas que ces combinaisons et ces causes diffèrent essentiellement de celles dont nous voyons les effets dans le règne animal aussi bien que le règne végétal. Je prétends par conséquent qu'il n'est pas logique d'attribuer à rien de semblable la création des êtres vivants. Je ne puis concevoir qu'une chose possible, c'est l'intervention de l'esprit dans la production de tout ce qui existe. Or l'esprit n'est pas une manifestation de la matière, c'est quelque chose qui en est indépendant. Note. La Fontaine a dit, un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts. Confère les deux rats, le renard et l'œuf, discours à Madame de la Sablière. Il n'a fait du reste que traduire ici la pensée de Virgile. L'esprit mêlé, à cette matière puissante en meut toute la masse. Énéide 6, 727. Fin de la note. Sa liberté est sans limite. Il maintient sans limite son indépendance de certaines influences qui, par moments, l'obsèdent. C'est avec cette étendue et d'une manière semblable que je conçois l'intervention de l'esprit dans la production d'êtres vivants sur un plan disposé et suivi depuis l'origine, en vue d'une fin qui est l'homme. Ainsi s'expriment Flourens, Fénelon et Agassize. Je ne sais si vous êtes impressionné comme moi, mais ce langage simple et mesuré, ces déductions logiques, ces tendances de l'âme à ne pas trop s'incorporer à la matière, tout cela, venant après les balivernes du darwinisme, vous soulage et vous récrée comme au sortir d'un cauchemar. J'ai éprouvé, pour mon compte, en transcrivant ces lignes, quelque chose d'analogue à ce que je ressentais en Égypte, lorsque, après une longue marche à travers le désert, j'arrivais à l'un de ces endroits ombragés qu'on appelle des oasis. Bien entendu, cette protestation de la science et du bon sens n'a pas arrêté Darwin. Comment eût-il pu en être autrement ? Toute sa doctrine repose sur l'éclosion spontanée d'un premier germe dont le développement ultérieur constituera toutes les espèces animales. Supprimer cette éclosion, ou attribuer-la, non plus aux forces de la matière, mais à l'acte réfléchi d'un créateur, il n'y aura plus de darwinisme. Heureusement ces considérations ne sauraient nous toucher, ou plutôt, si, elle nous touche, mais par un motif tout autre que celui de Darwin, puisqu'elles sont le renversement de ses théories. Aussi répéterons-nous, une fois encore, avec tous les naturalistes que n'aveugle pas la manie des systèmes ou la passion anti-religieuse, nul être vivant n'a pu naître spontanément de la matière. La génération spontanée devant l'Académie des sciences. Nombre prodigieux d'animalcules répandus dans l'espace, jamais d'éclosion spontanée, Monsieur Pouchet soutient le contraire, débat qui s'ensuit, prix proposé, il est décerné à Monsieur Pasteur, réclamation de Monsieur Pouchet. L'Académie nomme une commission. Nouveau triomphe de Monsieur Pasteur, méprise facile avec le microscope, animalcule ressuscitant d'autres incombustibles, d'autres traversant les filtres et le mercure, d'autres charriés par l'air, la génération spontanée condamnée sans appel. Dieu, en créant le monde, y a prodigué la vie avec tant d'abondance qu'il semblerait presque que chaque molécule de la matière est animée. Ainsi, quand on examine au microscope une goutte de vinaigre, un grain d'amidon, une parcelle de fromage, on voit des myriades d'animalcules, grouillés, sous l'objectif de l'instrument. Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce que, sous l'influence de certains agents physiques, Ces animalcules éprouvassent, à la manière d'un germe qui se développe, divers changements de valeur et de forme, d'où résulteraient les apparences d'une génération spontanée. Je dis les apparences, c'est que cette force plastique de la matière proviendrait du fait même de la création, puisque, nous l'avons surabondamment prouvé, l'état d'incandescence primitive du globe rendait originairement toute vie impossible. Conclure autrement serait donc un manque absolu de logique. Mais l'école de Darwin n'a même pas cette dernière ressource. La génération spontanée, à quelque épreuve qu'on la soumette, donne constamment des résultats négatifs. C'est ce qui va ressortir des faits qu'il nous faut maintenant exposer. En 1858, Monsieur Pouchet, professeur de zoologie à Rouen, présenta un mémoire à l'Académie des sciences dans lequel se trouvait la déclaration que voici. La matière organisable, placée dans des conditions physiques et chimiques convenables, jouit de la propriété de s'organiser spontanément, et de manifester tous les phénomènes caractéristiques de la vie. Des animaux et des végétaux d'une petitesse extrême peuvent naître de la sorte, sans être le produit d'aucun corps vivant. Messieurs Claude Bernard, Huma, de quatre phages et païens, combattirent la thèse de Monsieur Pouchet, en s'appuyant sur leurs propres expériences, et signalèrent de plus les causes d'erreurs dont ils n'avaient pas su se garantir. C'est alors que l'Académie proposa l'examen de la question en litige comme sujet d'un de ses prix. En 1862, elle décerna ce prix à Monsieur Pasteur, dont les expériences avaient été faites de manière à éviter toutes les causes d'erreurs qu'il semblait possible d'imaginer. Voilà un jugement qui, si je ne me trompe, ressemble singulièrement à un hommage. Note. C'était Monsieur Pasteur également que la Chambre a voté, en 1875, une récompense nationale pour des découvertes d'un autre genre, qui ont puissamment enrichi l'industrie, mais dont la science n'a pas moins bénéficié. Fin de la note. Je ne puis, du reste, comme complément de renseignement, que renvoyer au rapport de mon illustre et regrettable ami, Claude Bernard, qui, dans cette circonstance comme toujours, a su se montrer le digne élève de notre maître commun. Magendie. Le digne élève, et je dis, ce serait peut-être ici le cas d'appliquer, en changeant les noms, mutato nomine, ce mot d'un ancien à propos d'Homère et de Virgile. Si c'est Magendie qui a fait Claude Bernard, c'est son plus bel ouvrage. Note. Claude Bernard était préparateur du cours de Magendie, au Collège de France, alors que j'en rédigeais les leçons. Fin de la note. Quoi qu'il en soit, l'exactitude des résultats annoncés par Monsieur Pasteur et les conclusions du rapport furent contestées par Messieurs Pouchet, Joly et Musset. De longs débats s'ensuivirent. C'est alors que l'Académie, mise de nouveau en demeure de s'expliquer, chargea une commission composée de chimistes, de physiciens et de naturalistes, de reprendre la question en sous-œuvre, et de voir enfin de quel côté se trouvait la vérité. Les expériences de Monsieur Pasteur furent donc répétées sous les yeux de ces nouveaux juges. Or, ceux-ci reconnurent combien étaient exacts les faits annoncés par ce savant. Ainsi, conclut Monsieur Milne-Edwards, l'hypothèse de la production d'êtres vivants par de la matière morte, ou qui n'a jamais vécu, n'est pas seulement inutile pour expliquer la multiplication des animalcules microscopiques dont les infusions se peuplent si souvent au contact de l'air, elle est aussi en désaccord avec les faits bien constatés. Les êtres organisés, dans l'état actuel de notre globe, reçoivent toujours la vie de corps déjà vivants, et, grands ou petits, ne naissent pas sans avoir des ancêtres. Voilà le démenti que cette fameuse doctrine, si nécessaire au darwinisme, de la génération spontanée, s'est attirée de la part du corps savant le plus haut placé de notre époque. Je n'oserais affirmer que Monsieur Pouchet, quelle qu'ait été d'ailleurs l'indépendance de son caractère, se soit rendu aux raisons de l'Académie, c'est que la question de science est toujours, même à l'insu de l'auteur, plus ou moins doublée d'une question d'amour propre. Ajoutons que, sur ce terrain du microscope, les mépris sont d'autant plus faciles que les lois qui régissent le petit monde, présente certains caractères particuliers que n'offrent pas celles qui régissent le grand. Citons quelques exemples. Dans presque toutes les expériences qu'on invoque à l'appui de la doctrine des générations spontanées, on suppose que la totalité des êtres vivants ou des germes viables, que pouvaient contenir les solutions où se montrent des infusoires, avaient été détruites par la chaleur, mais, dans certaines circonstances, la puissance vitale résiste à l'action de température bien supérieure à celle que l'on emploie d'habitude. Ainsi les rotifères, les tardigrades et autres animalcules dits « ressuscitants » peuvent être transformés par la torréfaction en une poussière d'apparence inerte, sans cesser pour cela d'être apte à reprendre une vie active dès qu'ils retrouvent la quantité d'eau nécessaire au jeu de leurs organes. Ce sont autant de petits phénix qui, à un moment donné, renaissent de leurs cendres. De même, certains infusoires, au moment où la chaleur commence à les pénétrer, laissent suinter de leur corps une matière coagulable qui, en se solidifiant, les rend incombustibles. Ils peuvent ainsi supporter, sans en être autrement émus, des températures supérieures à 100 degrés. Monsieur d'Albiani en a même vu revenir la vie active après être resté pendant 7 ans dans un état de mort apparente. Ne sont-ce pas là également de petites salamandres, digne de servir de pendant à nos petits phénix? Ce n'est pas tout. D'autres animalcules, trompant toutes les prévisions, ne sont nullement arrêtés, ni leurs œufs non plus, par les filtres les plus fins. On ne saurait donc considérer comme exempt de tout corps vivant un liquide qui a été clarifié par ce moyen mécanique. D'autres traversent impunément la couche de mercure qui devait les asphyxier. D'autres enfin se glissent, à l'aide d'une simple bulle d'air, à l'intérieur des appareils les mieux clos. Or, les expériences de Monsieur Pasteur ont appris que l'air est saturé d'une prodigieuse quantité de germes, qui deviennent promptement des animalcules. Note. Chacun peut se faire une idée, sans avoir besoin de recourir au microscope, de la quantité énorme de corpuscules que contient l'atmosphère. Il suffit pour cela d'examiner un rayon de soleil quand il pénètre, par une fente, dans un endroit obscur. Le cône lumineux qu'il représente a l'aspect d'une sorte de nuage où s'agitent et s'entrecroisent en tous sens des myriades de petits corps dont les germes en question constituent l'un des éléments. Fin de la note. Ce sont donc là autant de causes d'erreur qui prouvent que les opinions de Monsieur Pouchet n'avaient aucun caractère sérieux. Aussi peut-on regarder la question des générations spontanées comme ayant reçu de l'Académie des sciences une condamnation sans appel. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.